m'a mis la puce à l'oreille, l'anneau que j'y avais pendu. Priait un peu trop au soleil, et ce qui brille est défendu. Et quand je pense que dans mes disques, ma voix vibre sous un diamant, je me dis que je prends des risques d'or, évidemment. Que le ciel.